Yeah. Croix de fer sur ma poitrine, swastika brille en blason. Salut nazi en conduisant, négro, on est les SSC, bon. Lâche le gaz, il tomberait, débreuté qu'un novice. Ta meuf est laide à crever, savon et abat-jour en service. On vole des liasses, pays pourri par des marchands véreux. Fraude et saleté partout, faut nettoyer, c'est sérieux. Ils crachent l'économie pour un billet sans état d'âme. Pas de temps à perdre, on chauffe le four, ça prend flamme. Les gars d'Europe se déchaînent, mec, c'est notre refrain. Elle veut les nazis, ma bande, elle kiffe l'équipe en main. J'fume dans la cube, elle wagon, discret sous le ciel noir. Flocon cendré dans l'air, tu sais que c'est moi l'espoir. Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans que s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo. Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans que s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo. Je fume un nécrochu, j'pique l'or. Tout ce qui brille, 6 gorilles, un traité. Les trains roulent sans coquille. Pas de sécu, manguer les brousses, à potion qui cogne. Terrain de foot, cache, piscine, c'est le paradis qu'on donne. On clone des embryons, on coude, ça fait des monstres. Tas de cendres gonfle, je vais sculpter un bonhomme en montre. Blitzkrieg, Pologne en 3 semaines, je suis le roi du show. Juif en pyjama rayé, haute couture pour le chaos. Pogrom en ville, ils cherchent. On leur met des claques, on vire les élus, serra leur muse au plein d'attaques. Ce camp, je le gère comme un boss du CAC 40. Cendre sans pile, mon empire brille, c'est carré. Yo! Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo. Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo. Tifu, ils grattent. Leur peau les trahit, mon labo bosse dur, zyklon en stock, c'est la vie. Le Reich achète des boîtes comme en solde, ça se vend. Alliés juifs nous bombardent, nous traitent méchants. Ils ragent car nos pastilles tombent sur leurs prisonniers. L'heure de la douche tue d'en haut, Saint-Nicolas d'acier. Je frappe un singe, je bouscule un gosse, c'est ma loi. Four ouvert, viens tester, Mikasa, c'est chez toi. L'arme de juif, ma tasse déborde. J'suis comblé, beauté allemande, Mantourane, Franck affabulé. Son journal pure fiction, plus faux qu'un vieux ragot. Te ton facho jusqu'à la mort, j'pousse le gaz, c'est mon lot. Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo. Ce zyklon B, c'est ma façon de fumer un chlomo. De la douche au four, j'envoie en fumée ce chlomo. Sans s'envole aussi aucun satellite chlomo. T'oses m'arnaquer, attends-toi, tu vas fumer chlomo.